Février 1680, une femme est brûlée vive sur la place de Grève. C'est la fameuse empoisonneuse, surnommée Lavoisin, qu'on exécute. « Allez tous vous faire foutre !» hurle-t-elle en s'agitant comme une possédée. Découvrez la véritable histoire de l'empoisonneuse du Roi Soleil, racontée avec truculence et verdeur par Isabelle Duquesnoy. Un monde terrifiant, mais bien réel, où se mêlent vie à la cour, exorcisme, meurtre d'enfants et sacrifices. La Chambre des Diablesses, le nouveau roman historique d'Isabelle Duquesnoy, aux éditions Robert Laffont. Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Pur jus, une histoire du droit romain. Mais d'ailleurs, qu'est-ce que le droit ? Le droit, ce sont les règles qui régissent les rapports des hommes en société, qui impliquent une répartition équitable des biens, des prérogatives et des libertés. Voilà ce que nous dit le dictionnaire. Le droit, ce sont les règles à respecter, comme par exemple dans une recette de cuisine au moment de réaliser un jus de viande. Alors nous remettons ici le beurre que nous avons extrait tout à l'heure. Et pendant nous avons même en ajouté un tout petit peu. Vous avez entreposé votre... Et j'ai mis là-bas mon perreau au chaud. Là. Oui. J'ajoute un petit peu de beurre, pas beaucoup. Et je vais mettre ici, voilà. Les petits oignons, le et, petit les oignons et les petits lardons. Et puis, je m'en vais faire colorer tout ça. C'est ça. Alors autrement dit, dans la recette que nous notons en ce moment, nous mettons faire dorer les petits oignons avec les lardons. Voyez-vous, ça commence déjà à colorer. Oui, c'est bien joli. En 1956, c'est bien joli, Catherine Langeais et Raymond Oliver préparaient un perdreau aux noisettes. Bonjour Robert Jacob. Bonjour. Au moment de réfléchir à l'étymologie de ce mot, jus, qui a donné la justice, mais qui est le droit, pourquoi évoquer une recette de cuisine et le jus de viande ? Moi, alors, j'imagine que vous faites allusion à la théorie que je développe dans ce livre récent, la parole impérieuse. Donc, le premier volume d'une série, hein, consacrée aux formes premières du droit. Alors, donc, la question était, celle du droit romain, bien entendu, qu'on se représente toujours dans la forme d'une grande loi écrite, hein. La grande loi écrite promulguée par Justinien, à la charnière de l'Antiquité et du Moyen-Âge, et qui est devenue la référence des juristes occidentaux, l'autre Bible de l'Occident, comme dit Pierre Legendre. Et alors, en fait, moi, ce qui m'a attiré, c'est le problème des commencements, hein, c'est-à-dire comment est-ce que tout ça s'est mis en place. Et alors, il faut remonter 1000 ans en arrière par rapport à Justinien, c'est-à-dire on est 500 ou 600 ans avant Jésus-Christ, au moment où Rome se fonde et au moment où les premières bases apparaissent de ce qui va devenir le droit romain. Et alors là, je suis parti de ce constat. En fait, les Romains n'écrivaient pas. Hein. Si on les compare aux Grecs, surtout, et même à leurs voisins étrusques, leurs alphabets apparaissent pratiquement en même temps, en tout cas vers 600 ans avant Jésus-Christ. Il est clair que chaque langue a son alphabet, mais les Romains n'écrivent littéralement pas. Hein. Autant les Grecs nous ont laissé des myriades d'inscriptions, une littérature, une philosophie, une théorie que tout le monde connaît, autant alors du côté des Romains, on ne voit rien venir, et si on s'en tient à la question du droit, en fait, ce que nous avons conservé de cette époque, disons entre 600 et 300 avant Jésus-Christ, c'est ce que j'appelle des captures de parole. Des captures de parole, c'est-à-dire qu'on sent très bien qu'on a affaire à une société de l'oralité, une société sans écriture, et que les bribes écrites que nous en avons conservées, ce sont d'abord des récitatifs, hein, ce que les parties étaient obligées de réciter, les paroles à prononcer, les carta verba en latin, les paroles à prononcer obligatoirement lorsqu'on introduisait un litige en justice, ou alors des énoncés en forme de ce qu'on appelle les versets. Alors le mot dit dit bien ce qu'il veut dire. Qu'est-ce que c'est qu'un verset? Ben, c'est l'équivalent d'un vers. Même si nous n'avons pas pu reconstituer la métrique ou la prosodie, en tout cas, ce sont des énoncés en forme proverbiale qui sont destinés à être répétés, ne sont pas a priori destinés à être écrits, que l'on rencontre dans deux grandes séries de sources écrites. La loi des 12 tables qui va, à partir de 450, constituer un horizon des juristes, et ce qu'on appelle les lois royales, c'est-à-dire des versets qui ont en fait circulé de manière parallèle aux 12 tables. Et alors donc, le problème pour moi, c'était, puisque nous avons une civilisation entièrement orale, comment s'y prendre pour l'explorer, puisque par définition, l'historien est prisonnier de ses textes. Alors, l'idée était celle-ci. Il est peut-être possible d'arriver à quelque chose en passant par l'anthropologie, c'est-à-dire par les gens qui se sont précisément adonnés à l'étude des sociétés sans écriture, et donc d'aller étudier ailleurs les techniques de la transmission de ce qu'on appelle la tradition orale, mais aussi de la production de l'énoncé normatif. Hein, c'est le titre, la parole impérieuse. Et c'est pourquoi la première partie, le premier chapitre de ce qui est le premier volume de cette exploration des formes premières, est en fait un peu dérangeant, probablement, j'imagine, pour l'historien de l'Antiquité ou l'historien du droit, puisque c'est une plongée dans l'univers d'une société purement orale, en fait, de l'univers des Amérindiens, tels que les Européens les ont découverts au moment du contact, c'est-à-dire à partir du XVIIe siècle. Et alors là, en fait, la base de la réflexion, c'est les actes qui contribuent à effectuer la paix. Qu'est-ce qui se passe quand on décide de cesser de tuer l'autre, hein, sachant que les différentes ethnies amérindiennes sont en lutte les unes contre les autres, et sachant que ils sont en lutte aussi contre les Européens, lesquels se disputent entre eux, Anglais, Français, et l'Indien est a priori un ennemi. Mais à un moment, il faut arrêter, il faut faire la paix. Comment s'y prennent-ils pour faire la paix? C'est-à-dire, comment est-ce que on va produire la parole sur laquelle tout le monde va se mettre d'accord, ou on va essayer en tout cas de se mettre d'accord, et avec quels instruments symboliques est-ce que on va y parvenir? Quels sont les instruments symboliques qu'on va utiliser? Et ce sont ces instruments symboliques qui m'ont donné une clé d'étymologie. Alors effectivement, c'est ce que les lecteurs retiennent surtout de mon livre au premier coup d'œil. Le livre n'est tout de même pas que cela, mais enfin, c'est l'exploration de ces instruments symboliques fait mettre la main sur des rituels que tout le monde connaît. Hein, tout le monde connaît le calumet de la paix, l'enterrement des haches de guerre. Mais alors, il y a aussi le bouillon bu en commun. Hein, c'est-à-dire que, je commente assez longuement la grande paix de Montréal qui a été conclue en 1701 entre le gouverneur de la Nouvelle-France, Callière, et les ethnies indiennes qui étaient alors à ce moment-là dans la mouvance française. Bon, il fait un grand bouillon pour tous ces Indiens qu'il a convoqués à sa table, et cela me paraît donner, mais il y a évidemment d'autres arguments, il ne faut pas s'en tenir là, mais cela me paraît donner l'étymologie du latin « ius », c'est-à-dire un jus de cuisson. Hein, un jus de cuisson parce que, et ici je fais de nouveau appel à l'anthropologie et même à l'anthropologie française la plus autorisée, celle de Lévi-Strauss. Celle des mythologiques de Lévi-Strauss, c'est-à-dire ce que montre Lévi-Strauss, c'est que l'opposition du cru et du cuit est centrale, parce qu'elle permet d'opposer d'un côté la sauvagerie, c'est-à-dire la nature, mais aussi la guerre, hein, et celle du cuit, en revanche, c'est la convivialité, la commensalité. Et alors, en fait, dans le cuit, il y a des degrés de cuisson, si vous voulez. C'est-à-dire que il y a le degré élémentaire qui est le grillé ou le rôti, qui est à peine séparé de l'état sauvage, puisque la chair est saisie directement en contact avec le feu. Et puis il y a le bouilli qui a des vertus particulières, parce que il mélange d'abord le végétal et l'animal, et ensuite parce que il se consomme. On ne le mange pas tout à fait, on ne le boit pas tout à fait, mais on fait les deux en même temps, et donc il y a une convivialité qui se crée. Alors voilà, ce qu'on retrouve, ce dont Lévi-Strauss pensait que c'était universel, ce que je crois retrouver à Rome, et ce qu'on peut retrouver d'ailleurs aussi dans d'autres cultures. Robert Jacob, je pense que les auditeurs et les auditrices qui s'attendent et qui entendent une émission sur le droit romain n'imaginaient pas commencer par l'évocation d'une recette de cuisine, mais cette idée d'étymologie quand il est question de droit romain, on sent bien que c'est la base de tout. Soisic Kernaïs, bonjour. Vous êtes professeur d'histoire du droit romain à l'Université Paris-Nanterre. Et dans cette réflexion sur l'étymologie, alors sans débattre, parce qu'on pourrait débattre pendant des heures sur la nature même de ce « ius », de ce « jus », il y a quand même quelque chose qui est surprenant. C'est que dans notre langue, « ius » a donné justice judiciaire, mais le mot qu'on utilise, c'est le droit, qui est encore autre chose. Qu'est-ce qui se passe ici avec ces deux mots ? Alors précisément, effectivement, le mot droit vient d'un terme latin, mais c'est un terme du latin populaire, le terme directum. C'est ce mot-là, directum, qui a donné le mot droit, qui a donné aussi le mot diritto, qui a contribué donc à la formation du vocabulaire juridique en Europe. Alors effectivement, pourquoi si ius désignait le droit sous la République et encore sous l'Empire, pourquoi finalement c'est ce mot directum qui s'est imposé ? Eh bien parce que je pense que il y a d'autres façons de faire avec le droit qui se sont développées, notamment à l'époque impériale, des pratiques du droit qui ont mis à l'écart d'une certaine façon les anciennes formes juridiques. Donc ce sont ces pratiques populaires qui, en tout cas moi, m'intéressent et qui montre la plasticité du droit, qui montre l'accaparement par les populations du droit. Car le mérite de l'Empire, c'est le développement d'une mentalité juridique. C'est-à-dire le fait que, alors le terme justiciable n'existe pas encore, mais à l'époque, mais on a déjà d'une certaine façon des justiciables qui, parce qu'ils appartiennent à l'Empire, revendiquent des droits et de fait obtiennent bien souvent l'accès à leur demande. Donc ce sont ces pratiques, cette façon aussi de dire directement le droit qui explique sans doute l'apparition de ce terme et le fait que ce soit ce droit-là qui soit passé finalement lorsque l'Empire s'est effondré. Oui, parce que c'est toute la question, pourquoi le droit romain, il existait d'autres formes de droit. Alors ailleurs, on pourrait regarder ce qui se passe en Asie, auparavant on pourrait regarder ce qui se passe en Mésopotamie. Quelle est la spécificité du droit romain ? Pourquoi est-il aussi mis en exergue comme le droit fondamental ? Pas uniquement par sa postérité, hein, parce qu'il y a un écho jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y a de différent ? Alors, c'est une vaste question. Je pense que c'est sa plasticité, c'est-à-dire le fait que les Romains n'ont pas entendu imposer un droit. Ils ont accueilli d'autres formes juridiques, et c'est ce processus d'hybridation qui me semble vraiment caractéristique du droit romain et qui explique sa richesse et qui explique sa perpétuité. C'est-à-dire que à partir d'une base se sont développées d'autres formes. Il n'y a pas un droit romain, il y a des pratiques du droit, et ces pratiques du droit sont le fait des juges qui vont accueillir les coutumes, des coutumes qui leur sont dites par, on pourrait parler déjà d'experts culturels, même si effectivement le terme n'existe pas, c'est un terme moderne, mais ce sont aussi des pratiques qui sont développées développée par les gens eux-mêmes, par les justiciables. Et sans doute beaucoup par en raison de l'importance de la tablette dans la confection du droit. Ça, c'est quelque chose qui a été bien mis en valeur par une historienne, Elisabeth Meyer, la pratique tabellaire, c'est-à-dire le fait que l'on va fabriquer son droit. Robert Jacob parlait de jus, de jus. Il y a aussi la tablette, le fait que en respectant un certain rituel, eh bien, on constitue son droit. Et ce droit, on peut même l'emporter jusque dans la mort. En effet, on a retrouvé dans une grotte en Judée, la grotte dite des lettres, les tablettes d'une femme, Babata, qui avait participé à une conspiration et qui fuyant emporte avec elle ce qui lui semblait le plus précieux. Qu'est-ce qui lui semblait le plus précieux? Quelques instruments de toilette, de maquillage, mais aussi une bourse dans laquelle elle avait placé des tablettes parce que cette femme, qui bien que ne sachant pas écrire, avait l'habitude d'espérer en justice et comptait par la suite engager de nouvelles actions. Donc elle est partie avec elle. Avec ces tablettes, ces documents juridiques. Donc, ce sur quoi je veux insister, c'est le fait que vous voyez aujourd'hui, pour nous, le droit, c'est quelque chose d'assez mystérieux, c'est quelque chose d'assez étrange. C'est un vocabulaire que beaucoup de gens ne connaissent pas. À Rome, dans l'Empire, il y a cette familiarité. Le fait que les gens savent le droit, le fait que les gens achètent c'est ce qu'a bien montré Dario Mantovani, les gens ont des livres de droit chez eux parce que cela peut toujours servir. Donc c'est cette la vivacité du droit s'explique par le fait qu'il était à portée de main, que l'on pouvait le fabriquer et que d'ailleurs le droit était partout. Celui qui se promenait dans l'Empire, partout, voyez le droit, voyez les plaques de droit, voyez les plaques sur lesquelles étaient inscrites les règles de droit. Lorsqu'un sujet bénéficiait d'une décision qui lui était favorable, il l'inscrivait, il la portait avec lui, il la gardait avec lui. Voilà, déjà des tablettes connectées. Moi, je vous propose mieux que des tablettes, mais des tables, directement des tables du 5e siècle avant Jésus-Christ. Table 8. Délit civil. S'il a arraché un membre et n'a pas conclu d'accord amiable avec la victime, que la peine du talion soit appliquée. Que celui qui aura jeté un charme pour capter des maisons ou qui aura attiré dans son champ la récolte du voisin subisse la mort. Si un vol a été commis de nuit, s'il le tue, que son exécution soit considérée comme légitime. La table 8, un extrait des 12 tables, 5e siècle avant Jésus-Christ. D'ailleurs, Soisy Kerny, c'est quoi ces 12 tables? Parce que là, on est sur du texte. Alors, les 12 tables, il y a toute une légende qui entoure les 12 tables. Mais si l'on veut faire simple et en caricaturant un petit peu, les 12 tables sont le résultat d'une révolte, une révolte plébéienne. Les plébéiens estimant à juste titre d'ailleurs être victime de l'arrogance des patriciens, avaient fui la cité, s'étaient réfugiés sur le mont Aventin, et l'une de leurs revendications concernait précisément la divulgation du droit, de façon à mettre un terme à l'arbitraire des magistrats. Donc si pour répondre à votre question, qu'est-ce que c'est que l'invention du droit? L'invention du droit, c'est la limite apportée au pouvoir arbitraire. Le droit donne des droits aux citoyens et donne les mêmes droits à tous les citoyens, qu'ils soient patriciens et plébéiens. Et je pense que c'est ça qui explique finalement le fait que Rome soit devenue une cité juridique. C'est-à-dire que le droit a été l'outil de la réconciliation entre les patriciens et les plébéiens. Le droit a fondé l'égalité des droits, même si, bon, il y aurait beaucoup à dire relativement à cette égalité. Mais il y a, c'est ce qui explique le fait que jusqu'à la fin sein de l'Empire, les 12 tables sont demeurées comme un monument juridique. Cicéron dit avoir appris à lire, à entraîner sa mémoire par la loi des 12 tables. Vous imaginez aujourd'hui des enfants qui apprendraient le code civil. Voilà, les 12 tables, c'est ce monument que chacun peut voir, ce monument qui donc recense les droits que les citoyens ont comme citoyens. Vous avez cité un des versets concernant la possibilité que une personne pourrait avoir par son chant, par le malum carmen, par le chant maléfique, d'attirer les moissons d'autrui dans son propre champ. Il y a là une disposition qui me paraît particulièrement importante et qui permet peut-être aussi de vérifier ce que pouvait être le droit à cette époque, à savoir le droit, c'est une parole efficace, c'est une parole performative. La promulgation des 12 tables signifie aussi l'accaparement par la cité des paroles efficaces. Les seules paroles efficaces qui soient, ce sont celles qui sont dites par le droit. C'est donc, on pourrait dire que d'une certaine façon, la promulgation du droit, l'invention du droit, coïncide aussi avec l'invention de ce que l'on appellerait aujourd'hui la sorcellerie. Oui, très lié au religieux. Mais nous sommes au 5e siècle avant Jésus-Christ avec ces 12 tables. Bien sûr, un texte écrit, Robert Jacob, vous avez dit combien la notion d'écrit est reliée au droit. Alors que non, le droit romain n'est pas un droit uniquement écrit. C'est la représentation que nous en avons souvent. Mais ce droit-là n'est pas seulement écrit. Oui, mais je reviendrai peut-être sur votre question précédente. Au fond, pourquoi le droit romain et pourquoi pas les Babyloniens, les Grecs, et pourquoi pas les Grecs surtout, puisqu'après tout, les Grecs nous ont donné le vocabulaire de la science, de la philosophie. Dans les mots mêmes que nous employons, philosophie, politique, nous sommes Grecs. Mais lorsque nous parlons droit, nous sommes Romains. Juridique, c'est le ius, ça vient directement du ius qui avait. On disait traditionnellement qu'il y a deux mots ius. Moi, je soutiens que l'un s'est formé à partir de l'autre. Donc, le ius du juteux et le ius du juridique, le ius du jus de cuisson et le ius du juridique. Alors, si je peux rebondir sur les 12 tables, vous avez cité la table 8. Alors, la table 8 est une table pénale. Sachant que cette table, en réalité, est une reconstitution d'historiens du 19e siècle, en réalité, on ne connaît les 12 tables que par les citations qui en ont été faites. Les historiens du 19e siècle ont décidé, même avant eux d'ailleurs, dès le 17e, ont groupé dans une table nommée par eux la table 8 un certain nombre de dispositions pénales. Si vous alliez vers les autres tables, vous rendriez compte que en réalité, ces énoncés, ces récitatifs des 12 tables sont très difficiles à comprendre. Ils sont écrits dans un latin archaïque qui a d'ailleurs été modernisé au fil des citations, mais aujourd'hui ils sont allusifs. C'est-à-dire tout ce qui concerne le droit civil, ce sont des dispositions dont ceux qui les prononçaient, ceux qui les utilisaient, qui les répétaient le cas échéant dans un procès, savaient à quoi ils correspondait. Mais si vous ne savez pas à quoi il correspond, eh bien nécessairement vous êtes aussi perplexe que quelqu'un qui ne connaît pas l'égyptien devant des hiéroglyphes. C'est tout l'intérêt de reconstituer l'espace, de tenter de reconstituer la vie, le vécu, l'épaisseur d'une société, de faire appel à l'anthropologie. Dans cette table 8, il y a une disposition très, très instructive et intéressante, qui est celle qui dit que lorsque un homicide a été commis par imprudence, l'auteur de l'homicide par imprudence, ou ses parents, puisqu'on est toujours dans des systèmes de vendetta ou de négociation d'une parenté à l'autre, se libère en donnant un bélier à la victime ou aux parents de la victime. Alors évidemment, ça ne veut pas dire que la vie d'un homme est égale à un bélier. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie qu'il y a un sacrifice qui est prévu, qui sera un sacrifice de réconciliation. Et d'ailleurs, les commentateurs latins eux-mêmes de ce verset des 12 tables disent, bien, pourquoi un bélier? Parce que c'est le chef du troupeau, hein, et parce que c'est celui qui est le mieux à même de représenter la vie de l'homme qui a été tué par imprudence. Alors là, je crois qu'on touche ici à des systèmes de représentation qui sont à la base de cette genèse du juridique, c'est-à-dire l'homologie. Hein. Il y a homologie entre le bélier et la vie de la victime et le sacrifice, c'est-à-dire que en fait dans ce rituel de réconciliation, les parties se remettront d'accord autour d'une table, ils partageront de nouveau la nourriture, ils partageront les nourritures cuisinées, mais ils la partageront dans un rituel bien précis, très très très déterminé dans ses formes, qui est le rituel du sacrifice. Et en fait, je crois que la naissance du droit romain. Alors oublions maintenant la grande loi écrite finale et le fait qu'à un moment donné on ne la comprend plus, et c'est pourquoi d'ailleurs le mot ius au sens de droit disparaît de la langue parlée et que on se met à employer autre chose qui est le mot directum pour parler d'une chose qui n'est pas exactement l'ancien ius d'ailleurs. Hein. Bon. Mais ce ius des Romains, il est structuré par un ensemble de rituels qui ont leur cohérence et au cœur duquel on trouve le sacrifice. Et en particulier, le sacrifice, alors qui n'est plus dans ce cas-ci le sacrifice de la réconciliation autour du bélier, mais qui est le sacrifice par lequel on pose la norme, c'est-à-dire le sacrifice qui me paraît le plus pertinent, qui est le paradigme pour moi de la naissance de la norme romaine, c'est le rituel qui est décrit par Tite Livre, c'est-à-dire le rituel du traité. Et c'est pourquoi d'ailleurs je fais la comparaison entre le traité à Rome dans la description de Tite Live et le traité que l'on passait avec les tribus indiennes au XVIIe siècle. Parce que, en fait, qu'est-ce que c'est à Rome? C'est un sacrifice. Hein. Donc vous avez deux parties, vous avez deux ethnies qui se font la guerre ou qui, en tout cas, pourraient bien la faire, mais elles décident de faire la paix. Qu'est-ce qui se passe? Chacun apporte un porc, c'est très intéressant d'ailleurs le choix du porc comme victime du sacrifice qui doit produire la norme. Chaque partie apporte un porc, et puis une des parties lit les clauses des traités ou récite les clauses des traités, sacrifie le porc et dit, alors je vais citer à peu près textuellement Tite Live, si le peuple romain est le premier à manquer à sa parole, alors toi, Jupiter, frappe le peuple romain comme moi, maintenant, je vais frapper ce porc. C'est-à-dire que là, nous avons les deux éléments hein, qui sont cardinaux dans toute la pensée juridique occidentale depuis les origines jusqu'aux théories les plus contemporaines, la norme et la sanction. La norme, c'est la parole impérieuse, celle qui est prononcée sur le sacrifice du porc, et sacrifice qui sera prolongé par le repas pris en commun, et la sanction, c'est le coup de Merlin ou le coup de pierre, puisque dans ce cas-là, on utilise une pierre, le coup de pierre qui est apporté à la victime, et l'homologie, toujours l'homologie. Hein. Il y a homologie entre le juridique et le juteux, hein, si on va jusqu'au bout, c'est-à-dire entre le juridique et le jus de cuisson qui va être partagé par les parties, homologie entre la vengeance divine que l'on appelle sur celui qui manquera à sa parole et la guerre juste, bellum justum, c'est-à-dire celle qui est conforme au traité, qui donnera la victoire au peuple qui est resté fidèle à sa parole, et homologie, enfin, entre le coup porté à la victime et la sanction, la guerre étant dans le cas du traité, la guerre étant la sanction qui s'abattra sur celui qui manquera à son engagement. Oui. Parce que ici, nous avons un traité, nous voyons un moment très particulier. Nous avons déjà évoqué ces 12 tables, mais tout n'est pas écrit. Et vous le dites bien, Robert Jacob, il y a cette idée de parole. La parole est importante. Soizic Kerneïs, dans cette idée d'écriture du droit, ce n'est pas en fait la spécificité des Romains. Déjà, d'autres l'avaient fait auparavant. C'est pas ça qui fait le cœur même du droit romain, parce qu'il peut y avoir un droit qui s'apparente au droit coutumier, au droit oral. Alors, l'écriture du droit me paraît malgré tout importante. Et dans la loi des 12 tables, vous aurez remarqué peut-être la formulation « si ». Alors, si alors, qui est une vieille formulation, une ancienne formulation, la formulation par laquelle on inscrivait dans le Proche-Orient ancien le savoir. Tout ce qui est su est rédigé sous cette forme-là, si alors. Or, cette formulation me paraît très importante aussi pour expliquer le devenir du droit romain, puisque c'est celle qui va produire la qualification. Si tel fait, alors... telle sanction. C'est la mentalité juridique déjà qui est que l'on peut trouver derrière cette formulation. Alors, le droit est écrit, il va être de plus en plus écrit, c'est-à-dire que sous la République, à partir du 3e, 2e siècle avant Jésus-Christ, il y a une véritable science juridique qui va se développer avec des traités, des essais aussi pour mettre en perspective ce droit, ce jus qui voulait, tel qu'il avait été énoncé par la loi des 12 tables, et puis les autres corps de droit qui se sont développés au fur et à mesure, notamment par le biais de l'édit du prêteur. Donc il y a une véritable science juridique, le droit devient un objet intellectuel, et il y a là quelque chose de très important à la fin de la République. C'est en ça que l'on peut dire qu'il y a une véritable culture juridique. Sous l'Empire, le droit, l'écrit du droit perdure, et même, pourrait-on dire, de plus en plus, dans la mesure où il y a une nouvelle procédure qui va permettre de rapprocher le prince, l'empereur, de ses sujets, qui est celle de la procédure par rescrit, à savoir la possibilité qu'ont les sujets de s'adresser directement à l'empereur pour lui demander justice, l'empereur répondant justement par le biais d'écrits. C'est long, hein, l'Empire romain, faut le rappeler sans cesse, hein, nous sommes sur un millénaire, c'est-à-dire qu'on ne peut pas saisir le droit romain comme un bloc, en disant voilà, le droit romain c'est toujours ça. Est-ce qu'on peut dire que l'histoire du droit romain, c'est une histoire de mise à l'écrit de plus en plus de toutes ces règles qui font que il est possible de vivre ensemble sans guerre civile, sans s'entretuer? Oui, surtout durant les trois premiers siècles de l'Empire, sachant que à partir du 4e siècle, de nouvelles communautés sont établies dans l'Empire, et ce sont des communautés qui n'appartiennent pas à l'Empire, qui sont étrangères, celles que les sources désignent comme des barbares. Il y a là quelque chose de très intéressant d'un point de vue juridique, puisque par là même, il va y avoir une rencontre difficile entre les normes romaines telles qu'elles ont été façonnées au cours de tous ces siècles dont nous venons de parler, et les tradition de ces populations. Notamment, Robert Jacob a évoqué tout à l'heure la vengeance. Ces populations, ces parentèles, ces gens qui sont groupés, non pas en res publica, mais en grande parenté, pratiquaient pour la plupart la vengeance. Donc, toute l'histoire du droit de l'Antiquité tardive, enfin, une partie de l'histoire du droit de l'Antiquité tardive, concerne justement cette question: comment aménager la rencontre entre les traditions romaines, les normes romaines et les traditions normatives de ces populations. Et cela va donner naissance à des règlements, des coutumes législatives. Alors pour un juriste moderne, c'est un oxymore, mais des coutumes législatives, la mise en forme de règles qui permettent de combiner les normes romaines et les pratiques des peuples. C'est là l'origine des lois dites barbares. Oui, parce que dans l'Empire romain, mais comme aujourd'hui, comme partout, comme tout le temps, il y a de quoi se plaindre. Il m'a d'autant plus accusé qu'il continuait de donner à des amis ou de dissiper la dite marchandise. En honnête homme, je t'implore, majesté, de ne pas tolérer que moi, un innocent, je sois châtié par les verges. Maître, puisque je n'ai pas pu me plaindre au préfet parce qu'il était retenu par la maladie, je me suis plaint aux bénéficiaires et à tous les autres centurions de son unité. Ainsi, j'implore ta miséricorde pour que tu ne tolères pas que moi, un homme d'outre-mer et un innocent, dont tu peux enquêter sur la bonne foi, soit ensanglanté par les verges, comme si j'avais commis quelque crime. Dans le cours de l'histoire, c'est Daniel Königsberg qui ne veut pas être châtié par les verges au moment de lire cette tablette de la fin du 1er siècle de notre ère, trouvée près du mur d'Adrien, tout loin là-bas en Écosse. Soazic Kearney, ça c'est une plainte ça? Oui, c'est une plainte. C'est un document tout à fait extraordinaire. Alors tout d'abord, extraordinaire par le contexte de la découverte. Nous sommes à la frontière de l'Écosse aujourd'hui, vraiment au bout du monde de l'Empire, le long de ce que l'on appelle aujourd'hui le limès, le mur d'Adrien. Nous sommes dans un des forts, le fort de Vindolanda, et la garnison, lorsqu'elle quitte le fort à la fin du 1er siècle, met le feu à ses archives, sans doute parce qu'il y avait des choses à cacher. Nous sommes en Écosse, et en Écosse, le temps est plus qu'incertain, la pluie survient et arrête le feu, et ceci produit un contexte chimique qui permet la conservation de toutes ces petites tablettes de bois sur lesquelles on écrivait à l'époque. Ces tablettes constituent une véritable mine de renseignements pour les historiens de l'armée, évidemment, mais aussi pour l'historien du droit, parce que c'est finalement la vie quotidienne du camp qui apparaît à la lecture de ces petites tablettes de bois. Donc, ce que je veux d'ores et déjà, une petite parenthèse, souligner, c'est le fait qu'avec quoi est-ce qu'on fait l'histoire du droit? On fait l'histoire du droit avec les grandes codifications, c'est sûr, avec le code de Théodose, avec le code de Justinien. On peut faire le droit aussi, faire du droit aussi à partir de l'étymologie, comme l'a proposé Robert Jacob, mais on peut faire aussi l'histoire du droit à partir de documents populaires, des documents qui ne sont pas juridiques au sens strict du terme, mais qui sont des documents normatif, qui justement nous montre ce qu'il en est de la pratique du droit. Comment le droit était-il pratiqué? La tablette de Vindolanda, datée de la fin du 1er siècle de notre ère, nous montre une pratique du droit plus que rudimentaire. C'est-à-dire que nous sommes là dans le monde de l'armée. La personne qui se plaint n'est pas un militaire, elle est un civil. Donc en principe, elle ne devrait pas encourir la discipline du centurion. Mais justement, la pratique est invasive. La discipline militaire s'applique même aux civils. Et ce qui est fascinant pour l'historien du droit, c'est de voir que, on parle beaucoup de résilience aujourd'hui, c'est de voir que précisément cette personne réagit à cette injustice et se plaint auprès de qui ? Se plaint auprès de l'empereur. Donc on a là un acte vraiment tout à fait fascinant, parce que sur cette petite tablette de bois, cette humble tablette de bois, qu'est-ce que l'on voit ? On voit la mise en œuvre d'un appel, qui vient du fin fond de l'Empire romain, et qui sollicite justement l'intervention de l'empereur, justicier. Je pense que c'est quelque chose sur lequel on reviendra, l'importance de la justice de l'empereur. L'empereur est le chef justicier, il est le père de la patrie, il doit la justice à ses sujets. 100% pour Ius, une histoire du droit romain. Dans cette histoire-là, bien sûr, on peut espérer que l'empereur soit bienveillant, mais hélas, parfois ça ne l'est pas, sauf s'il est commode. On m'a rapporté que vous aviez choisi les plus belles terres de l'Empire. Mes soldats vous en sont infiniment reconnaissants. Vous m'en voyez ravi. Et j'ai beaucoup réfléchi. Mes hommes ne sont pas les seuls à s'être sacrifiés. Votre Majesté, face aux épreuves qu'ont endurées nos braves légions, nos sacrifices ont été infimes. À vrai dire, je parlais de mon peuple. Eh bien, mon ami, veuillez m'excuser une minute. Ce que je voulais dire... C'est que ce sacrifice est une évidence. Le peuple nous a été dévoué. Il nous a offert un soutien indéfectible durant la guerre. Tout à fait. Et je souhaite récompenser ce dévouement. En organisant des jeux à Rome. Des jeux ? Oui. Le premier samedi du mois prochain. Une journée mémorable de combats de gladiateurs. Qui marquera l'aube d'une ère de paix au sein de l'Empire. Un extrait de la série Netflix Commodore Commode, empereur de la fin du IIe siècle. Robert Jacob, vous êtes juriste médiéviste, directeur de recherche honoraire au CNRS, professeur émérite d'histoire du droit aux universités de Liège et de Saint-Louis à Bruxelles. Et vous êtes l'auteur des formes premières du droit en Occident, dont le premier volume s'intitule « La parole impérieuse ». Aux presses universitaires de France. On l'entend dans cet extrait, mais vous l'avez déjà évoqué, cette notion de sacrifice, de jeu ici, en l'occurrence, avec un rapport très particulier à la personne souveraine de l'empereur. Ce droit romain, nous l'entendons aujourd'hui par sa postérité, mais le droit romain est très lié au religieux, au sacrifice. Oui, alors... Bon, mais les jeux sont anciens, les combats de gladiateurs ne le sont pas. Ils apparaissent à la fin du quatrième siècle. Et l'Empire, évidemment, enfin, c'est une notion bien sûr tardive si on explore la question des origines. Alors le problème du rapport entre le religieux et le droit, là effectivement il est central. Il est central et en fait, lorsque on posait la question des origines du droit, de la manière dont on l'a posée traditionnellement depuis le 19e siècle, il y a deux lieux communs, au fond, qui apparaissent. Il y a un premier lieu commun qui est la coutume. C'est-à-dire tout peuple a une coutume et alors au bout d'un certain temps ou par le fait que des actes se répètent, il y a quelque chose qu'on appelle un droit et qui se crée. Bien, ce qui d'ailleurs est une je dis lieu commun parce qu'en réalité si on explore le concept on remonte à la rhétorique comme créatrice de lieux communs, à la rhétorique même grecque avant d'être la rhétorique latine. Mais ça n'explique évidemment pas la diversité des formes du droit d'une civilisation à l'autre. Alors l'autre lieu commun, c'est la religion, c'est-à-dire c'est l'idée que chez les peuples primitifs, je mets le terme entre guillemets, chez les peuples premiers, il n'y a pas vraiment de droit, mais il y a une totalité normative qui et d'essence religieuse, la question étant alors de savoir comment le droit s'en extrait. Et alors, une grande partie de la romanistique est axée sur cette idée. D'abord, dans l'approche de l'étymologie même du jus, puisque là, moi, je me suis défini par opposition à des linguistes bien connus comme Benveniste et Dumézil, qui cherchent la notion de jus par des comparaisons d'ailleurs assez hasardeuses avec le sanskrit et les autres langues européennes et qui disent c'est une espèce de pureté rituelle. C'est une espèce de pureté rituelle, mais alors ce qui est extrêmement embêtant, à partir du moment où on définit le jus comme ça, c'est le verbe jurare, jurer. Parce que si on prend la morphologie du verbe jurare, il est tout à fait construit comme beaucoup d'autres verbes, par rapport à des substantifs. Donc, kenare, dîner, c'est faire le dîner. Amare, aimer, c'est faire l'amour. Pugnare, c'est faire le combat. Pugna, etc., etc. Donc, ius, ça devait être, ou iurare, plutôt, ça doit être faire le ius. Mais oui, mais alors, se disaient, les romanistes, se sont dit les linguistes, c'est quand si le droit est une entité produite par la société tout entière, quel est le sens d'un serment individuel? Comment est-ce qu'un serment individuel pourrait le produire? hein. On ne vous demande pas, à vous, Xavier Mauduit, de jurer le droit français. Vous êtes soumis au droit français sans qu'il y ait besoin de votre serment. On ne voit pas le sens que ça pourrait avoir. Alors, une série de complications dans lesquelles je n'entre pas pour essayer d'expliquer la relation. Alors que, de mon point de vue, la relation entre Ius et Iurare, ce n'est pas le problème, c'est la solution. C'est-à-dire qu'il faut partir de l'idée, et je reviens à cette image du sacrifice du porc que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait à un moment donné un serment, ou plusieurs serments, hein, une série de serments qui à un moment donné se mettent en réseau, qui font une chaîne et qui finissent par objectiver une notion de ius distincte de chacun d'eux, il faut que ça se la produit, que cela se soit produit pour que se crée le juridique. Mais alors, le rapport avec le religieux devient très différent. C'est-à-dire que, ce sera l'objet principal du second volume que je suis en train d'écrire maintenant de cette exploration des formes premières, c'est-à-dire que le sacrifice produit la parole finale qui est organique du juridique, mais ce juridique, il est profane. Je veux dire qu'à partir du moment où il s'est créé, il se situe complètement dans l'ordre profane, et ça, c'est la différence qui me paraît absolument majeure entre le droit romain, d'une part, et les autres formes que vous avez évoquées, c'est-à-dire ce qui se passe à Babylone, en Égypte, en Grèce, ou alors en Inde, ou en Chine, c'est qu'on arrive à une objectivation de la notion de juridique qui se fonde sur une pratique rituelle dont on ne peut évidemment pas écarter la religion, ce n'est pas possible, mais qui s'en dégage, et qui ne s'en dégage pas par un long processus, mais qui s'en dégage par le fait même de sa naissance. Si vous prenez des romanistes français, on vous dit souvent, le droit romain a dû, à un moment donné, se laïciser. Il a dû devenir laïque. Bon, d'ailleurs, la notion de laïcisation est d'ailleurs problématique, parce que la notion de laïcité elle-même est une notion en réalité très chrétienne. Il n'y a que la religion chrétienne, au fond, qui divise le temporel et le spirituel, et donc le laïc et le religieux, qui situe un espace en dehors du religieux. Je préfère d'ailleurs le profane, parce que la notion de profane, au moins, a le mérite d'être romaine, de n'être pas chrétienne. Mais alors, vous disait-on, on ne voit pas très bien comment le droit s'est, entre guillemets, laïcisé, ou comment il est devenu profane, en imaginant parfois, et c'est assez curieux, que cela se produit au moment où les pontifes sont dépossédés de leurs fonctions interprétatives, parce que tous ces adages qui étaient répétés, en fait, ils étaient produits et répétés par un organe de conservation des paroles normatives, et d'ailleurs aussi de l'histoire de la cité, qui était le collège pontifical. Le collège pontifical étant supposé être un collège de prêtres, il faudrait se mettre d'accord sur la notion de prêtre, hein, c'est au moment où ce collège perd sa compétence, c'est-à-dire en gros à l'extrême fin de la République, ou plus exactement au tournant du second et du premier siècle avant Jésus-Christ. C'est à ce moment-là qu'apparaît un corps de spécialistes, les jurisconsultes, qui supplantent les pontifes. Donc ce serait à ce moment-là qu'ils se seraient laïcisés. Je ne le crois pas. Je crois que les pontifes avaient des compétences dans lesquelles les Romains ne distinguaient pas du tout un domaine religieux et un domaine juridique. C'était une compétence sur l'ensemble des rituels de la cité qui s'exerçait des deux côtés. Donc en fait, la séparation du juridique et du religieux, dans la théorie que je développe, ce n'est pas une désacralisation qui serait le produit d'un processus historique, c'est une désacralisation qui se produit dans le cours même du rituel organique du ius, c'est-à-dire une fois le sacrifice terminé, le juridique s'inscrit dans une temporalité qui ne peut être conçue que comme tout à fait profane. Avec des professionnels, vous venez de l'évoquer. Ah, le professionnel apparaissant. Eh oui, parce que ici nous sommes dans cette réflexion sur le droit romain avec cette objectivité activation que vous évoquiez avec ce droit très particulier où le but, eh bien, final, c'est la vérité. Soisic et Kerney, vous êtes professeur d'histoire à l'Université Paris-Nanterre et vous publiez La justice en vérité, une histoire romaine du dire vrai chez Dalloz. Parce qu'il faut citer Dalloz dès qu'on fait de l'histoire du droit. L'idée, c'est comment le juge peut dire la vérité, ce qui n'est pas évident d'ailleurs comme réflexion. Non, c'était effectivement, c'est une tâche très, très difficile. Il y a plusieurs façons de se représenter la vérité. Il y a la vérité qui peut être celle qui est contenue dans l'acte même. Tout à l'heure, je parlais de la confection des tablettes. La tablette bien constituée, parce que je pense que ce qui est important aussi, c'est le rituel. Aldous Cavon a parlé d'une obsession même du rituel dans la représentation du droit. Ce qui fait le droit, c'est aussi la perfection, l'accomplissement méticuleux du geste et de la parole. Donc le fait d'observer scrupuleusement ce rituel va permettre de constituer la vérité de l'acte. Donc il y a là une première représentation de la vérité. Mais il y a une autre représentation de la vérité, et on n'a peut-être pas parlé aussi de cet autre aspect du droit romain. Le droit romain, on a parlé beaucoup finalement du droit civil. Un autre aspect du droit romain, c'est le droit pénal. Et c'est le droit pénal tel qu'il a été pratiqué dans l'Empire. C'est-à-dire, je veux parler de la torture. Il est vraiment fascinant de constater qu'à partir du moment où l'empereur prend le pouvoir, accapare le pouvoir, eh bien, se mettent en place des procédures inquisitoriales, des procédures qui vont s'emparer du corps des sujets pour les soumettre à des tortures affreuses, pour arracher, c'est ce que disent les textes, pour arracher la vérité du corps du sujet. Donc cela va aussi avec une sorte de phobie de l'empereur du complot. Et l'idée que finalement chacun de ces sujets est un conspirateur en puissance et que donc il faut arracher ces mauvaises pensées de chacun de ces sujets, donner aussi le nom des suspects qui eux-mêmes seront mis à la torture. Cela est aussi une expression de la vérité, cette vérité-là qui est arrachée par la torture. Ce que j'ai voulu montrer aussi, c'est que parallèlement aux frontières de l'Empire, se sont développées d'autres procédures de vérité, elles aussi, qui concernent non pas les citoyens, mais les populations barbares dont je parlais tout à l'heure, des populations de soldats qui ne pouvaient pas être soumis à la torture. C'était un privilège des soldats que de ne pas être soumis à la torture. Or, l'exigence du procès demeure la même, à savoir, le jugement doit dire la vérité. Mais comment connaître la vérité d'un sujet qui, par hypothèse, ne peut pas être torturé ? C'est dans ce contexte que vont être mises en place des procédures où le sujet d'origine barbare est soumis non pas à la torture, mais aux premières formes de jugement de Dieu. Il y a une source, je n'invente pas, c'est une source que l'on a que l'on a trouvée à Trèves et qui mentionne, c'est une inscription sur une petite plaquette de plomb qui mentionne à deux reprises le chaudron, l'épreuve du chaudron. Le chaudron étant donné en celtique et en latin. Qu'est-ce que cela voulait dire ? Cela veut dire que la personne qui était accusée devait mettre sa main dans le chaudron et si la main n'était pas brûlée, alors cela voulait dire que la personne disait le vrai. En revanche, si la main était brûlée, cela voulait dire que la personne disait le faux. On est là à l'origine de l'ordalie, une pratique qu'a aussi beaucoup étudié Robert Jacob. Mais la différence entre lui et moi, si j'ai pu dire, c'est que cette source montre le fait que l'ordalie est